Bonsoir Marie-Hélène, 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Directeur du meilleur laboratoire de recherche de préhistoire en France, il est archéologue médiéviste. Pour mieux nous dérouter, il n'est en rien spécialiste d'église romane, puisque les siennes s'avèrent rupestres et éthiopiennes. Souhaitant-nous conter une autre histoire, celle d'un Moyen-Âge africain, il œuvre aussi à l'autre extrémité du continent, à la découverte de villes musulmanes, notamment dans le cadre de la mission archéologique franco-marocaine de Sigil-Massa, qu'il co-dirige. François-Xavier Fauvel, bonjour. Bonjour. Directeur de recherche au CNRS et du laboratoire Trace basé à Toulouse, vous êtes l'auteur d'un véritable best-seller archéologique, Le Rhinocéros d'Or, paru chez Alma et réédité chez Gallimard en 2014. Nous en avions parlé. François-Xavier Fauvel, le Moyen-Âge de l'Afrique, ces cités perdues ou retrouvées, nous allons en parler. Mais tout d'abord, Jean-Marc Ayrault vient de refuser de restituer au Bénin les trésors du royaume du Dahomey, notamment ceux conservés par le musée du Quai Branly. Votre opinion d'archéologue ? Je dirais en une seule phrase, rendons son passé à l'Afrique. Qu'il s'agisse d'objets issus du pillage colonial, qu'il s'agisse d'objets issus d'expéditions scientifiques ou pseudo-scientifiques ou ethnographiques dans les années 30 ou 40, ou qu'il s'agisse aussi du discours qui plus généralement consiste à dénier à l'Afrique son histoire, ou à dire, ce qui revient finalement au même, que l'histoire est une espèce de continent pétrifié dans l'éternité, hein, c'est-à-dire comme une espèce de terre d'origine, mais où plus rien ne se serait passé depuis ses origines. Tout ça finalement converge, je dirais même conspire à donner de l'Afrique l'image d'un continent privé d'histoire, et privé de sens au sens où il en a été privé. Voilà. Et il me paraît aujourd'hui très important de redonner à l'Afrique son histoire, non seulement aux Africains pour qu'ils se réemparent de leur histoire, mais aussi pour nous plus généralement, parce que l'Afrique fait partie de notre patrimoine. Vous voulez vider nos musées d'ethnographie ? Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à vider les musées d'ethnographie, mais clairement il y a un bilan à faire, un état des lieux à faire, et effectivement redonner à l'Afrique un certain nombre d'objets, comme on l'a fait plus récemment avec par exemple les restes de Sarah Bartman rendus à l'Afrique du Sud, ou comme l'ont fait d'autres musées, d'autres nations occidentales qui ont rendu eux aussi des objets ou des vestiges humains au pays d'origine. En tout cas, l'Occident, notamment la France, l'ont souvent dit, l'Afrique n'a pas d'histoire, ces objets, bien sûr, témoignent de cette histoire, mais ils ne sont en général pas en Afrique. En effet, voilà, et cette phrase « l'Afrique n'a pas d'histoire » qu'on a entendue dans la bouche d'un président de la République française il y a quelques années, est paradoxalement une idée très très répandue parmi nos concitoyens, parmi le public global d'aujourd'hui. Il y a cette idée que l'Afrique n'aurait pas d'histoire et qu'elle serait en quelque sorte pétrifiée dans un éternel présent, hein, ce présent ethnographique, ce présent de sociétés villageoises pétrifiées dans le temps, qui certes donne à l'humanité des danses, des beaux discours sous des arbres, etc., etc., mais qui finalement n'aurait pas eu une authentique histoire comme les autres pays du monde. Et l'origine de l'homme. L'invention de l'Afrique, c'est l'origine de l'homme, voilà. Et ça s'arrête là. Je dirais qu'on est, voilà, on est souvent enclin à concéder à l'Afrique l'idée qu'elle est une terre d'origine. Bon, mais il y a là un paradoxe, c'est que terre d'origine, c'est certes très valorisant dans un sens, mais ça veut dire aussi que, ok, une fois pour toutes, des choses s'y sont passées au commencement, et depuis lors, quoi? Depuis lors, rien. Or, l'histoire, c'est précisément tout ce qui s'est passé entre les origines et aujourd'hui. Voilà. Les origines, c'est tout à fait autre chose. Les origines, c'est de l'anti-histoire. Le petit cheval ou le bélier offert à Jacques Chirac datant de la grande époque du royaume de Guinée, qui est environ le 12e, 15e siècle de notre ère, avait été restitué pourtant il y a une vingtaine d'années. Finalement, on restitue des objets au compte-gouttes à certains pays. Je dirais que ça rentre plus dans une logique de conversation diplomatique que ça ne résulte d'un vrai choix consistant à rendre aux pays d'origine leur trésor. Ça reste une question d'une brûlante actualité. L'essentiel des objets qui finissent sur le marché de l'art aujourd'hui sont des objets issus d'un pillage qui a lieu tous les jours en Afrique et qui alimente un marché de l'art international. Voilà. Donc ça finit dans les mains de collectionneurs privés et puis après leur mort, ça finit dans les musées. Voilà. Donc il y a une espèce là de filière tacite qui existe, qui continue à piller le sous-sol de l'Afrique. Vous dites art, mais il y a aussi archéologie. Le pillage archéologique est intense. La Mauritanie, le Mali et sont totalement vidés de leur mobilier archéologique. Oui, on atteint même des situations dans lesquelles, dans certains contextes, l'essentiel des objets qu'on connaît, c'est vrai des fameuses sculptures, des fameuses statues de type djenné, des statues en terre cuite de type djenné. L'essentiel, 99% d'entre elles, qui sont connues par des catalogues de vente ou par des collections privées, sont issues de pillages. On ne sait même pas dans quel contexte. On ne sait pas quoi en dire. On en connaît deux ou trois issus de fouilles archéologiques professionnelles, mais l'essentiel de ces vestiges sont connus parce qu'ils finissent par arriver dans les collections privées ou les catalogues de vente sans qu'on sache exactement d'où ils sont sortis. François-Xavier Fauvel, partons aux portes du désert marocain, dans l'oasis de Tafilalet, à la recherche d'une cité caravanière, tout à la fois objet de fantasmes, de déceptions, mais aussi d'espoir. Oui, alors c'est une cité assez paradoxale. D'abord, elle a été connue au Moyen-Âge, principalement à travers les sources arabes, entre, disons, le 8e et le 15e siècle, ce qui correspond au Moyen-Âge. Bon, elle a été connue pour être la grande cité de l'or. Bon, là, effectivement, il y a un mirage, hein, le mirage de l'or. C'est un mirage pour nous, c'était déjà un mirage pour les Arabes au Moyen-Âge, dans le sens où personne ne savait bien d'où venait cet or-là. Bon, il arrivait, de fait, à Sigilmassa, qui était en quelque sorte l'entrepôt, la banque des pouvoirs arabes et berbères maghrébins. Et puis de là, il inondait le marché méditerranéen servant à frapper monnaie ou servant à produire des bijoux. Cet or, il vient de l'autre côté du Sahara, il vient du Sahel. On ne sait pas très bien d'où exactement. On croit savoir, disons, beaucoup de choses, mais on ne sait pas très bien d'où exactement. Il y a effectivement là un mirage, qui est le mirage de ce commerce à très très longue distance, qui emboîte des réseaux commerciaux successifs aucun des acteurs ne sait finalement exactement ce qu'il y a au bout de son propre horizon. Bon. Et au bout de son propre horizon, en fait, il y a d'autres horizons plus lointains. Cet or, il franchit des milliers et des milliers et des milliers de kilomètres au cours de son parcours. Il y a là un mirage. Il y a un mirage auquel les archéologues ne sont pas forcément ceux qui vont y répondre. Bon. Dans le sens où, à Sigilmassa, on y fouille depuis des années. Il y a eu des fouilles avant les miennes, des fouilles américaines, il y a eu des fouilles marocaines, des fouilles italiennes, etc. Bon, et puis il y a très peu de vestiges d'or qui apparaissent. Il y a très peu d'objets en or, enfin presque rien. Très très peu de monnaie, voilà, et toujours pas de traces d'atelier ou quoi que ce soit. Ce qui ressort de ça, ce qui ressort de ces fouilles, ce sont des structures d'habitat, des structures urbaines, des murs, des choses très dégradées, parce que ce site a été, c'est l'autre versant du mirage, il a été beaucoup pillé. Bon. Et pas forcément récemment, pour le coup, il a été beaucoup pillé à la fin du Moyen-Âge. Et voilà. Donc on fouille un site qui a disparu. Il a disparu parce que la grande période du commerce de l'or s'est éteinte, parce que la grande période du commerce transsaharien est finie, et il a disparu aussi parce que les vestiges archéologiques ont disparu sous les limons. Voilà, donc il y a une espèce d'oubli de cette cité et un oubli encore accentué par le pillage dont ce site a fait l'objet par le passé. L'histoire nous dit que des maisons de commerce arabes et juives, convoitées d'ailleurs par des dynasties berbères, existaient donc dans cette cité caravanière. Absolument. On a des témoignages très très clairs d'auteurs du Moyen-Âge qui nous disent très très clairement qu'à Sigilmassa voisinaient des maisons de commerce arabes. Et des maisons de commerce juives. Voilà. Et ces réseaux étaient en quelque sorte emboîtés, s'articulaient à Sigilmassa, les commerçants juifs assurant en quelque sorte le commerce longitudinal entre ces parties de l'extrême occident et puis le Caire et puis plus lointainement encore Aden et puis plus lointainement encore l'Inde et puis les réseaux arabes et berbères eux assuraient le commerce qu'on pourrait appeler latitudinal, c'est-à-dire en descendant vers le sud à travers le Sahara. Et l'un des points d'articulation était précisément Sigilmassa. Vous écoutez, j'ai l'impression que cette cité caravanière est une sorte de port, un port au bord d'une mer de sable. Nous voici devant une sorte de grand carrefour de l'économie monde. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un port qui se trouve ne pas être au bord de la mer, mais au bord d'un océan de sable. Et il coche tous les critères du port. C'est-à-dire que c'est un lieu où l'on se rassemble, où les caravanes du Maghreb se rassemblent. C'est un lieu où les voyageurs, les commerçants, les diplomates stationnent pendant plusieurs mois, y achètent des chameaux, engraissent leurs chameaux, se munissent de lettres de recommandation pour l'autre côté du voyage, font leurs courses, font leurs provisions, stockent leurs marchandises, font garder les marchandises. Et puis à un moment donné, la caravane s'en va, des milliers de chameaux, on traverse 60 jours, on traverse le Sahara, on arrive de l'autre côté, dans un espace symétrique de celui qu'on vient de quitter. C'est-à-dire qu'on retrouve d'abord des steppes, on tombe à nouveau dans des villes, dans le sud de la Mauritanie, puis on arrive dans le Sahel, les premières savanes, et puis là, on arrive dans des royaumes africains de l'autre côté. C'est une sorte de tête de pont des royaumes marocains vers le sud, bien sûr, mais il faut tenir la ville de Sijil Massa. Alors il faut c'est un objet stratégique. Sijil Massa est à une situation un petit peu paradoxale. C'est à la fois un carrefour et un port absolument central pour le commerce transsaharien. C'est là qu'il faut venir se réunir, s'arrimer pour lancer les vaisseaux du désert que sont les caravanes. Et en même temps, Sijil Massa est très très périphérique par rapport au Maghreb. C'est-à-dire que c'est très très très au sud. C'est beaucoup plus au sud que le Limès romain. Que les pouvoirs antiques étaient capables de contrôler. Et cette situation à la fois de port incontournable et de cité très périphérique rend l'histoire de Sijil Massa très accidentée, très chaotique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois tenir et en même temps c'est très difficile à tenir. Donc on voit bien qu'il y a une alternance de pouvoirs berbères d'abord, de dynasties successives qui s'emparent. Il faut tenir Sijil Massa, y placer des princes et les clients qui vont tenir pour vous. Et en même temps, on ne peut jamais empêcher les mouvements centrifuges et les tentations d'indépendance de cette cité. À l'autre bout du voyage, il y a Koumbi Salé, par exemple. Alors, une grande cité de Mauritanie. Il y a effectivement, à l'autre bout du voyage, selon l'endroit où était positionné le port symétrique de Sijil Massa, 60 jours au sud, bah effectivement, ça peut avoir été ce site archéologique de Koumbi Salé, ça peut avoir été d'autres sites qui sont mentionnés au cours de l'histoire. Koumbi Salé est le nom d'un site archéologique qu'on connaît, qu'on identifie fréquemment avec Ghana, la capitale du royaume médiéval du Ghana, qui n'était pas du tout, je le précise, au Ghana actuel, mais bien en Mauritanie du Sud. Et si cette identification du site archéologique Koumbi Salé avec le lieu mentionné dans les textes Ghana est exact, on a là effectivement la probable capitale d'un royaume très puissant entre, disons, le 11e et le 12e siècle. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. François-Xavier Fauvel, Koumbi Salé en Mauritanie a été récemment fouillée, même si elle ne l'est plus aujourd'hui, et pour cause. Oui, il y a eu des fouilles archéologiques dans les années 80 et 90, qui nécessitait, comme vous l'imaginez, une logistique assez importante. On est là dans un quartier particulièrement désert du Sahara. On est dans une région aujourd'hui extrêmement difficile d'accès, à la fois logistiquement et pour des raisons de sécurité, pour des raisons géopolitiques, de danger islamiste. Et en effet, des fouilles françaises, du reste, ont eu lieu dans ce site qui mériterait aujourd'hui d'être reprise. Mais en ne perdant pas de vue qu'il s'agit là à la fois d'un site absolument colossal, probablement le plus gros site urbain d'Afrique subsaharienne, et en même temps exigeant des moyens qu'aujourd'hui les institutions de recherche et les agences bailleuses de fonds ne sont pas disposées à accorder. Que sait-on du phénomène urbain, de son émergence dans cette partie de l'Afrique ? Alors, le phénomène urbain, c'est quelque chose d'absolument majeur de mon point de vue en Afrique au Moyen-Âge. Je dirais même que c'est un peu l'angle mort de nos recherches. On n'imagine pas l'Afrique en règle générale comme un continent de véritables villes, de véritables agglomérations. On pense plutôt à une espèce d'habitat dispersé, très, très villageois, avec de très faibles densités démographiques, etc. En réalité, la ville est au Moyen-Âge en Afrique, dans de très vastes régions d'Afrique, est un phénomène majeur. Voilà. Et en particulier dans toutes les régions qui ont été connectées avec le grand commerce islamique, c'est-à-dire toutes les régions du Sahel, on pourrait dire en gros le Sénégal, la Mauritanie, Le Mali, le Tchad, le Niger, le Soudan, l'Éthiopie, la Somalie, le Kenya, la Tanzanie, le Mozambique, le nord de Madagascar, toutes ces régions-là qui définissent une espèce de grande zone d'interface totalement en Afrique, hein, bon, ont vu émerger un formidable phénomène urbain lié au commerce à très très longue distance, avec non seulement des pouvoirs africains puissants, parfois très puissants, parfois renommés jusque dans le monde arabe ou le monde méditerranéen et même dans le monde européen, avec des pouvoirs très puissants et avec des marchands, de véritables réseaux marchands dont le travail est de venir se connecter, se mettre en cheville, négocier avec les marchands islamiques, je veux dire par là, arabes, berbères, swahili, indiens, etc. François-Xavier Fauvel, qu'avez-vous trouvé dans vos fouilles? Les textes évoquent la création de Sijilmassa en 740, relatent une muraille de terre crue. La ville aurait-elle pu fondre au soleil ou sous la pluie? Oui, la ville a fondu, mais je dirais elle a fondu pour des raisons techniques, mais elle a fondu aussi pour des raisons mémoriales. Elle a fondu pour des raisons techniques. D'abord, dans beaucoup d'endroits, on a certes une architecture en pierre, bon, qui, elle, c'est le cas en Éthiopie, par exemple, c'est le cas en Mauritanie du Sud, bon. Mais dans beaucoup d'endroits, l'architecture est beaucoup moins pérenne que ça. Au Maroc, en particulier, on a une architecture de terre, qu'on appelle le pisé, qui est l'architecture traditionnelle encore aujourd'hui. Ce sont des murs en terre, qu'on élève par passes successives entre des planches, et puis qu'on fait sécher avant de remonter ces murs, comme ça, par passes successives les unes sur les autres. Cette architecture en terre, et on trouve la même chose dans l'architecture traditionnelle au Mali, avec la fameuse mosquée de Tombouctou, par exemple. Là, c'est du banco, c'est une autre technique, c'est de la terre aussi. Dans beaucoup d'endroits, on a une architecture non pérenne qui nécessitait des réfections permanentes. Et, bon. Et cette architecture, elle fond naturellement. Elle fond parce que les pluies la font fondre, elle fond parce que l'érosion naturelle la fait fondre, elle fond parce que des processus physico-chimiques font que ces murs s'érodent. Ce qui veut dire que pour être maintenu pendant des siècles et des siècles, il faut un perpétuel travail de reconstruction. On l'observe très bien à Sijilmassa. Et on voit très bien qu'à Sijilmassa, cette architecture est temporaire. C'est-à-dire qu'elle est là pour un siècle ou deux. Et après, dans tous nos niveaux archéologiques, on voit très bien qu'il y a une phase d'abandon qui se matérialise par plusieurs dizaines de centimètres, de phase complète d'abandon. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, les bâtiments ont été reconstruits ailleurs, à 200 mètres, 300 mètres, 500 mètres de là. La ville, dans ces endroits-là, n'est pas une ville comme chez nous, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qui se superpose à elle-même à travers le temps et qui laisse des strates continues de vestiges. C'est une ville champignonnière, c'est-à-dire qui pousse quelque part et puis qui est abandonnée et qui repousse à côté et puis qui est abandonnée puis qui repousse, y compris parfois sur ses vestiges, sur ses mues antérieures. Cette ville champignonnière est donc quelque chose qui archéologiquement est très très différent de ce qu'on connaît. Il faut s'y habituer. C'est très difficile à fouiller. Et puis difficile à fouiller. Parce qu'évidemment, lorsque les sols et les murs sont faits en terre et fondent et retournent à la poussière, en quelque sorte, bien évidemment, très peu de choses distinguent ces niveaux-là de niveaux de limons normaux, j'ai envie de dire. Bon, là, donc il y a des raisons techniques qui tiennent à toute une série de choses. Et puis il y a des raisons mémoriales à cet oubli, c'est qu'à un moment donné, ces villes ne sont plus dans le radar des grandes routes commerciales. Ce qui fait exister une ville, ces villes-là africaines médiévales, c'est d'être sur le parcours des caravanes, ou mieux encore en bout de course, en tête de pont, en entrepôt terminus de ces caravanes. Et lorsque pour des raisons X ou Y, ou parce que des évolutions géopolitiques régionales font que les grands royaumes changent de géographie, ben la route ne passe plus au même endroit, ne part plus du même endroit, n'arrive plus au même endroit, et à ce moment-là, bah, les habitants s'en vont et la ville est oubliée. L'Afrique, ce n'est pas que des routes caravanières. L'Afrique, des routes, c'est par exemple celle de Moussa Ier, roi du Mali, parti en 1328 avec sa cour et des milliers de pèlerins pour les lieux saints de l'islam. Absolument, on avait là un très grand roi, le roi Moussa Ier du Mali, souverain d'un royaume connu dans tout le monde arabe et même dans une partie du monde latin, comme le souverain du grand royaume qui fournit alors l'or rapport au bassin méditerranéen. On le connaît notamment sur une image que tout le monde peut trouver sur Internet ou dans des livres. C'est que le fameux atlas catalan qui nous représente le roi Moussa en majesté, tenant une grosse boule d'or dans la main et la présentant au monde, bon, avec une légende à côté en catalan qui nous dit voilà, c'est de là que vient l'or dont nous avons tant besoin. Et ce roi, en effet, présentait deux visages. Un visage pour les visiteurs extérieurs, pour les marchands étrangers, etc., qui était celui d'un souverain musulman, un sultan, bon musulman, faisant le pèlerinage à la Mecque. Et puis de l'autre côté, pour sa propre population, le souverain d'un roi, l'image d'un roi traditionnel, qui là est le garant des pluies, des récoltes, etc. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14, que nous évoquons le passé de l'Afrique médiévale avec François-Xavier Fauvel, directeur de recherche au CNRS. Une grande partie de l'or mise en circulation avant la découverte de l'Amérique serait issue d'Afrique ? C'est très probable. Alors, on sait qu'il y a des mines d'or ailleurs, évidemment. Hein. Il y en a en Espagne, il y en a... Bon, il y a des mines d'or ailleurs, mais oui, on soupçonne qu'une grande partie de l'or venait alors du Sahel. Je dis, on le soupçonne parce que les données sont compliquées. On a à la fois des données textuelles, mais assez rares, mais néanmoins très sûres, qui nous disent que l'or traversait le Sahara par tonnes, bon, chaque année. Hein, bon. Donc là, on a des données très très fiables qui, si on devait les lisser et les projeter sur le millénaire qu'a duré ce Moyen-Âge-là, nous indiquerait bel et bien qu'on a des tonnes et des tonnes, des centaines de tonnes d'or qui ont traversé le Sahara en direction du monde méditerranéen. En même temps, soyons tout à fait honnêtes, les données matérielles pour ça sont très très rares. Bon, donc certes, on a un monnayage, des monnaies en or frappées ici ou là, etc. Mais les données analytiques, je veux dire les analyses géochimiques fondées sur le véritable repérage des gisements aurifères anciens, pas actuels, les analyses de traçabilité, hein, où, bon, n'ont jamais été faites. Donc il manque là une grande partie des données. Évoquons rapidement une autre cité par essence perdue. Avez-vous retrouvé la capitale du royaume du Mali, la fameuse Niani en Guinée-Conakry ? Oui et non. C'est-à-dire que Niani en Guinée est censée être la capitale. Je dirais oui parce que j'y suis allé, parce que je vois à quoi ça ressemble. C'est pas moi qui l'ai fouillé, ça a été fouillé dans les années 80. Donc oui, on connaît ce site qui passe pour avoir été la capitale du Mali au Moyen-Âge. En ce qui me concerne, j'ai non seulement vu le site, mais revisité toute la production archéologique de ce site, revu les archives des archéologues qui ont fouillé ça, revu les correspondances, revu les datations, recalibré les datations. À mon avis, ce site n'a jamais été la capitale du Mali au XIVe siècle. Bon. Il a pu être d'autres choses, mais il n'a jamais été la grande capitale du Mali, du roi dont on vient de parler, Moussa, et puis de son frère et successeur, Souleyman. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire, oui, dans un sens, ce site, on le connaît, il passe pour avoir été, mais je pense que la capitale du Mali reste encore à découvrir. Est-ce que, justement, la cité perdue, ou la cité retrouvée, n'est pas une thématique qui intéresse beaucoup les archéologues ? Elle fascine les archéologues, elle fascine le public. C'est-à-dire qu'on sait très bien que l'archéologie est une discipline qui fonctionne sur ce paradigme, j'ai presque envie de dire ce mythe, non mais c'est un paradigme de la découverte. Bon. On ne va pas se cacher que c'est ce qui nous attire aussi, cette dimension romantique de la découverte. Y a, dans la découverte, il y a quelque chose qui est extrêmement valorisant pour le chercheur ou la chercheuse. Qui, bon. Et en même temps, on sait très bien que la réalité concrète de notre travail ne consiste pas essentiellement en découverte, mais en réévaluation de choses déjà découvertes, en pas de côté, en choses beaucoup, en analyse beaucoup plus compliquée que ça. Donc oui, il y a quelque chose qui fascine dans ce projet archéologique et en particulier relatif à l'Afrique, parce qu'il faut le dire, l'essentiel de la documentation archéologique africaine est encore dans le sous-sol et l'essentiel des choses est encore à découvrir. Vous pourriez me demander, mais comment vous le savez? Ben je le sais parce que lisons les sources arabes et je dirais que 9 sites sur 10, 9 villes sur 10 n'a pas encore été découverte. L'Afrique de l'Est est aussi votre terrain. Nous voici en Éthiopie. Une Éthiopie souvent érigée en bastion chrétien et résistant aux poussées d'un islam nomade et agressif par force. Alors, l'histoire de l'Éthiopie, on la connaît bien parce qu'on a des sources écrites éthiopiennes. C'est le seul endroit d'Afrique subsaharienne où on a une production d'écrits locale. Et on a une production d'écrits locaux depuis 9 siècles. Bon. Et l'écrit, lui, et on avait déjà avant ça, on avait déjà dans l'Antiquité de l'écrit, etc. Bref, on a de l'écrit local, et parmi ces écrits locaux, on a des chroniques, on a des vies de saints, on a des archives, on a toute une série de documents qui nous permettent de raconter l'histoire de l'Éthiopie. Évidemment, cet écrit, il émane principalement du royaume chrétien, hein, c'est-à-dire que de l'entourage de la cour royale ou des monastères. Ce qui veut dire qu'il nous ouvre une fenêtre, mais il nous ouvre une fenêtre complètement auto-centrée sur le royaume chrétien d'Éthiopie. Ce qui veut dire que les autres pouvoirs, dont on sait qu'ils étaient là autour, ne nous sont éclairés que dans cette perspective-là, par ce biais-là, comme des choses, comme des entités politiques périphériques, lointaines et inamicales. Bon. Donc les pouvoirs musulmans, dont on sait qu'ils ont existé en Éthiopie depuis le début du Moyen-Âge, eux aussi, sont beaucoup moins bien documentés et sous un jour latéral et négatif. Néanmoins, les recherches faites depuis 10 ans, et en particulier les recherches archéologiques que j'ai conduites ou co-conduites avec d'autres collègues, montrent qu'il y a aussi là une matérialité, il y a des sites archéologiques qui n'attendent qu'à être découverts. Et puis comme vous le savez, parce qu'on en avait déjà parlé dans une précédente émission, on a découvert des villes, d'authentiques villes islamiques en Éthiopie, au voisinage du royaume chrétien. L'Éthiopie, c'est aussi la découverte d'une nouvelle culture, ni chrétienne ni musulmane, mais païenne, une sorte d'oasis de civilisation. Alors, c'est l'autre aussi résultat des travaux récents en Éthiopie, c'est la mise au jour d'autres pouvoirs, qui effectivement païen, donc un païen, il faut mettre des guillemets, même si on les voit pas bien à la radio, parce que païen, c'est un terme employé par les chrétiens et par les musulmans, mais on sait pas très bien comment le dire autrement, des sociétés, des pouvoirs non chrétiens, non musulmans, pratiquant des religions traditionnelles qu'on peut supposer avoir été des religions du terroir, avec des déités du sous-sol, etc. On le sait parce qu'on connaît leurs pratiques funéraires, et que cette culture se matérialise par des dizaines et des dizaines et des dizaines de tumulus dans lesquels des gens ont été enterrés de façon collective, avec des pratiques post-mortem, etc., de réduction des corps, etc. Donc on a des tumulus avec des dizaines de morts à l'intérieur, qui sont parfaitement contemporaines des chrétiens et des musulmans, et qui montrent que ces païens étaient à l'interface des chrétiens et des musulmans, et voisinaient avec eux. Quelques mots peut-être indispensables sur la Libella, haut lieu du christianisme éthiopien, avec ses églises rupestres mieux monolithiques. Alors là, on a un site absolument formidable, qui est un site effectivement rupestre, et par rupestre, il faut bien expliquer aux auditeurs ce que ça signifie. On a là des églises qui sont entièrement sculptées comme des pains de sucre dans la roche, et excavées, évidées de l'intérieur, pour ne pasticher l'architecture d'église. C'est un site, en quelque sorte, c'est de l'architecture d'un seul morceau, d'un seul tenant. Bon, on a là un site absolument remarquable qui, en gros, date du 12e, 13e siècle, au temps d'une dynastie qui s'appelle la dynastie Zagwe. Et là, en effet, depuis quelques années, des fouilles françaises ont lieu pour essayer de comprendre comment a été fabriqué ce site, qui est d'une nature un petit peu compliquée et paradoxale, puisqu'il s'agit d'y faire de l'archéologie sans qu'il y ait de dépôts successifs. François-Xavier Fauvel, la question est brutale. L'Afrique partage-t-elle avec l'Europe notre Moyen-Âge, le Moyen-Âge global, celui du vieux monde? Alors oui, on me dit souvent, mais bon, vous utilisez ce mot de Moyen-Âge un peu par commodité, parce que c'est un peu un hasard, si en gros vos 8e, 15e siècles correspondent à notre Moyen-Âge. J'ai envie de dire, mais d'abord, comment savez-vous que notre Moyen-Âge est notre Moyen-Âge? C'est-à-dire que je crois véritablement, je ne suis pas le seul, on a écrit récemment avec Patrick Boucheron et Julien Loiseau un article sur ce sujet. Je crois sincèrement à l'idée d'un Moyen-Âge global. Et un Moyen-Âge du vieux monde qui possède des faciès différents, dont le Moyen-Âge européen latin est un faciès. Et je crois que le Moyen-Âge africain est un faciès, parce que ce qui irrigue ce Moyen-Âge global, c'est bel et bien au Moyen-Âge le monde islamique. François-Xavier Fauvel, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Christine Robert, à la technique Pierre Henry, avec la contribution d'Anne-Catherine Lochard. Vous pouvez bien entendu écoutez ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 change de lieu et remonte le temps une fois encore.